Que l'âme a recouvré sa beauté par Jésus-Christ. Chapitre 103. Explication de ces paroles. Et le roi concevra de l'amour pour votre beauté, que l'on ne saurait trop admirer que Dieu aime l'homme, que ce n'est pas la beauté du corps qu'il aime, et combien elle est dangereuse. Il n'y a pas sujet de s'étonner que l'âme, que le péché de nos premiers parents a rendu difforme, aime la souveraine beauté de Dieu à qui elle est redevable de son être, et de qui elle attend une éternelle récompense de l'amour qu'elle lui porte, mais que Dieu trouve en l'âme une beauté capable de lui donner de l'amour, c'est ce que l'on ne saurait trop admirer, trop l'en remercier, et trop s'en glorifier et s'en réjouir, Éphésiens 3. Car si lorsque saint Paul avait les fers aux pieds et que son âme était enchaînée par des liens de son amour pour Jésus-Christ, il le tenait à si grand honneur, qu'il se vantait d'être son captif, Philippiens 1, quelle gloire ne nous est, ce point que Dieu veuille bien être le nôtre par l'amour qu'il nous porte, si ce nous est un très grand bonheur de donner notre cœur à Dieu. Quel bonheur ne nous est-ce point que Dieu nous donne le sien, et qu'en nous aimant, il se donne tout entier à nous, car quelques grandes que soient les autres obligations que nous lui avons, qu'est-ce en comparaison de celles-là? C'est ce qui faisait dire à Job, « Seigneur, qu'y a-t-il dans l'homme qui puisse vous porter à le combler de tant de faveurs et à lui donner votre cœur ?» Job 7, témoignant par ses paroles que puisque Dieu, en donnant son cœur, se donne lui-même, il n'y a pas moins de différence entre le don qu'il nous fait de son cœur par son amour et les autres biens qu'il nous fait, qu'il y en a entre lui et ses créatures. Ce n'est donc pas tant des dons que nous recevons de Dieu que nous devons le remercier, que c'est de ce qu'il nous les fait par le mouvement de son amour, et nous devons beaucoup plus nous réjouir de ce qu'ils peuvent nous rendre agréables à ses yeux, que non pas de les posséder. C'est donc en cela que consiste notre véritable honneur, c'est de cela que nous pouvons nous glorifier, et non pas de ce que nous aimons Dieu, puisque celui-là est maudit qui se glorifie plutôt de ce qu'il fait de bon que de ce qu'un si grand roi, et que tous les anges adorent, daigne par un tel excès de bonté s'abaisser jusqu'à aimer de viles créatures telles que nous sommes. Considérez donc, ma chère fille, s'il est juste que vous écoutiez, que vous regardiez et que vous soyez attentive à entendre ce que Dieu vous dira. Puisque votre âme peut espérer par ce moyen qu'il concevra de l'amour pour sa beauté, quand il désirerait de vous des choses fort difficiles, elles vous devraient paraître faciles par l'espérance d'en être aussi bien récompensée. À combien plus forte raison donc ce qu'il demande en cela de vous, doit-il vous paraître aisé à accomplir avec l'assistance de sa grâce? Mais, me direz-vous, comment une âme peut-elle avoir de la beauté, puisqu'elle est pécheresse et que l'Écriture dit que la noirceur du péché surpasse celle des charbons, traîne, 4. Je réponds que cela ne s'entend pas d'une beauté corporelle, laquelle si Dieu considérait, il lui serait facile de la trouver dans ses créatures, puisqu'étant lui-même la parfaite et souveraine beauté, il en a imprimé en elles une image. Mais lorsque David parle de la beauté de l'épouse de ce grand roi, il dit qu'elle est toute intérieure, c'est-à-dire dans l'âme, psaume 41, la beauté du corps ne méritant pas d'être considérée, puisqu'elle se peut rencontrer avec une âme très difforme. Ainsi de quoi peut servir d'avoir de la beauté dans ce qui importe si peu, lorsqu'il n'y a que de la laideur dans ce qui importe de tout, d'être un ange au dehors et un démon au dedans, et non, seulement de ne nous rendre pas plus aimables à Dieu, mais de lui donner souvent des sujets de nous haïr, car autant que la beauté spirituelle contribue à nous rendre sages, la corporelle y nuit d'ordinaire par la guerre qu'elle fait à la chasteté, à l'humilité et au recueillement. Combien aurait-il donc été plus avantageux à plusieurs femmes de n'avoir point eu une beauté qui les a engagées dans des combats auxquels elles n'ont pas eu la force de résister? N'est-ce pas à ces personnes que Dieu a dit par la bouche d'un prophète « Votre beauté vous a fait perdre votre sagesse » Ézéchiel 18 et ailleurs, « Votre beauté vous a rendu abominable devant mes yeux » Ézéchiel 16, « Parce que la beauté du corps jointe à la laideur de l'âme peut passer pour un monstre horrible. » Que si l'on regardait la beauté des créatures avec des yeux si purs que ce ne fût que pour admirer davantage en elles comme dans un clair miroir quelle est la beauté de Dieu, il n'y aurait rien à craindre. Mais qui sont ceux qui n'ont pas sujet d'appréhender ce que l'Écriture dit qu'elles sont un piège dans lequel tombent ceux à qui elles font offenser Dieu en s'arrêtant en elles? Sagesse. 14 au lieu qu'il ne les a créés qu'afin de servir comme de degrés pour nous élever vers lui. Saint Augustin qui avait été du nombre de ces insensés, et dont le regret qu'il en a eu lui a fait répandre tant de larmes, dit sur ce sujet, « Mon amour, Seigneur, pour ces beautés que vous avez créées avez rendu mon âme difforme. Plus une femme est belle, et plus elle doit prendre soin de conserver son âme pure, comme plus on est propre, et plus on craint de se salir. Mais plusieurs font le contraire. Elles prennent occasion de pécher de ce qui devrait les en empêcher, et elles seraient plus heureuses, si elles n'étaient pas belles. C'est ce que l'Écriture exprime par ses paroles. Une belle femme qui n'est pas chaste est comme un anneau au museau d'une truie que cet anneau, quelque beau qu'il fût, n'empêcherait pas de se vautrer dans la fange. Proverbe 11, 22. Car une femme impudique n'a point de honte de ternir l'éclat de sa beauté par les impuretés dont elle souille son corps et son âme. Que si la beauté nuit ainsi plutôt que de servir à conserver la pureté des femmes qui ont reçu ce don de la nature, quel mal ne fait-elle point aussi dans l'esprit de ceux qui la voient, et combien serait-il avantageux aux hommes de n'avoir point d'yeux pour les regarder, et à elles de n'avoir point de main pour se parer, ni d'envie de voir et d'être vues. Puisque de là viennent ces mauvais désirs qui font tant de mortelles blessures dans les âmes, que répondront ces hommes perdus et ces misérables femmes aussi laides selon la vérité qu'elles sont belles en apparence, lorsque leur corps étant dans le tombeau aussi corrompu que leurs âmes par cette funeste beauté dont elles étaient idolâtres, elles comparaîtront dénuées de tout devant le tribunal de ce juste juge à qui elles ne se sont point souciées de paraître belles. Dans quelle confusion ne seront-elles point, lorsque leur conscience leur reprochant leurs fautes les plus secrètes, elles trouveront que ce jour est venu dans lequel Dieu a dit qu'il exterminera les noms des idoles de la terre? Car des femmes belles et vaines ne doivent-elles pas passer pour des idoles, puisqu'il n'y a rien qu'elles ne fassent et ne désirent de faire pour réformer en elles par toutes sortes d'artifices l'ouvrage de Dieu, en ajoutant tout ce qu'elles peuvent à leur beauté afin de porter les hommes à les adorer? Mais il détruira leur nom de dessus la terre pour leur apprendre qu'il leur est inutile qu'ils soient loués par la bouche des hommes. S'il est effacé du livre de vie. Je vous exhorte donc, servante de Jésus-Christ, à faire si peu de cas de cette beauté corporelle que vous ne vous souveniez pas seulement qu'il y en est, car si les femmes vaines se négligent lorsque personne ne les voit, et se réservent à faire montre de leur beauté dans les grandes assemblées ou lorsque des personnes de qualité ou quelques grands princes les verront, Que ne devez-vous point faire pour être belle et parée dans ce grand jour où vous paraîtrez non seulement devant les anges, mais devant le Seigneur de tous les anges et de tous les hommes? Ce sera alors que les pleurs seront préférés aux ris, la simplicité à la curiosité, et la vertu à la beauté. Ne vous imaginez pas néanmoins qu'il vous doive suffire d'être exemple de vanité. Il faut aussi prendre garde à n'être pas cause que ceux qui vous verront s'éloignent pour peu que ce soit de ce qu'ils doivent à Dieu. Autant que les filles du monde qui sont vaines désirent de paraître belles aux yeux des hommes, autant celles qui font profession d'être à Jésus-Christ doivent l'appréhender, parce qu'il n'y a point de plus grande folie que de désirer ce qui peut nous causer du péril ou à d'autres. Souvenez-vous de ces belles paroles de Saint Jérôme sur ce sujet à des filles de qualité. Gardez-vous bien de donner aucune occasion à de mauvais désirs, car votre divin époux est jaloux, et commettre un adultère contre la fidélité qu'on lui doit est un plus grand crime que d'en commettre un contre celle que l'on doit à un mari. Ce saint dit aussi ailleurs, comme vous vous êtes offerte à Dieu en sacrifice, et que le sacrifice sanctifie ceux qui y participent dignement, vous devez désirer de toucher de telle sorte par vos actions et par vos paroles le cœur de ceux qui vous verront ou entendront parler de vous, qu'ils sentent en eux l'effet de cette sanctification, et qu'ils ne désirent de vous voir que pour se rendre dignes de participer à votre sacrifice. Chapitre 104. Que l'honneur d'être épouse de Jésus-Christ demande une grande circonspection en toutes choses, et qu'il est l'exemple sur lequel elle doit se régler tant pour ce qui regarde l'extérieur que l'intérieur. Vous voyez, ma chère fille, par ce que je viens de dire avec quel soin il faut s'efforcer d'acquérir et de conserver un tel honneur qu'est celui d'être épouse de Jésus-Christ, puisque, ni en ayant point de plus grand, il demande une plus grande application que nul autre. Ne vous imaginez donc pas que, parce que vous n'avez pas pour mari un homme immortel, vous soyez dans la liberté de vivre comme bon vous semble. Sachez qu'au contraire vous êtes d'autant plus obligé à veiller sur votre conduite, que la dignité de votre époux surpasse infiniment tout ce qu'il y a de plus élevé dans le monde, et qu'il désire plus de vous. Il suffit à une femme, pour satisfaire son mari, de n'avoir pas de grands défauts, mais votre céleste époux ne s'en contente pas, il veut que vous l'aimiez de tout votre cœur et de toutes vos forces. Il vous demandera compte des paroles et du temps que vous aurez employé inutilement, et cela ne doit pas vous paraître rude, puisque vous voyez que dans le monde, plus la dignité d'un mari est grande, et plus la femme est obligée de s'efforcer de lui plaire. Considérez donc la grandeur de celui que vous avez pris pour époux, ou pour mieux dire qui vous a choisi pour son épouse, et vous trouverez, comme dit Saint Jérôme, qu'il ne peut y avoir rien que de grand dans ce qu'il vous commande, non plus que dans le péché que vous commettriez, si vous ne l'exécutiez pas. Ainsi pour n'être pas indigne de l'honneur que ce vous est d'être son épouse, proposez-vous pour exemple une sainte vierge nommée Azel dont le même Saint Jérôme a dit, « Rien n'était plus gai que sa gravité, ni rien de plus grave que sa gaieté, rien plus doux que son air mortifié, ni rien plus mortifié que sa douceur. La pâleur de son visage faisait connaître son austérité, et elle n'oubliait rien pour tâcher de la cacher. Sa parole pouvait passer pour un silence, et son silence parlait. Elle ne marchait ni trop vite ni trop lentement. Elle s'habillait toujours d'une même sorte, sa propreté était sans affectation, et son vêtement sans curiosité, ses ornements consistaient à n'en point avoir, Et au milieu des pompes de Rome où l'humilité passe pour une bassesse, la pureté de sa vie la faisait estimer des gens de bien, et les méchants n'osaient la blâmer. Voilà l'exemple que vous devez vous proposer pour l'extérieur, car quand à l'intérieur vous ne devez point en avoir d'autre que Jésus-Christ crucifié, et vous y êtes d'autant plus obligé, qu'est votre union avec lui doit être plus grande, puisque vous l'avez pris pour votre époux. Chapitre 105. Qu'un état aussi élevé qu'est celui de la virginité ne doit pas être un sujet de crainte aux épouses de Jésus-Christ parce qu'il les assiste, et qu'après ne s'y être engagé que par conseil, il faut qu'elle y demeure avec joie. Mais il ne faut pas, ma fille, que la sainteté que demande la vie que vous avez résolu de suivre, vous décourage en vous donnant plus de crainte que de joie de l'avoir entreprise, ainsi au lieu de vous étonner des dispositions si élevées où elles vous obligent d'être, vous devez vous efforcer de les acquérir, car de même que dans le mariage les principaux soins de la subsistance de la famille regardent le mari, et que la femme n'a qu'à faire de son côté tout ce qu'elle peut pour en conserver le bien, Jésus, Christ, en vous faisant l'honneur de vous prendre pour son épouse, n'a pas voulu vous charger de tous les travaux qui concernent la perfection de l'état de votre âme, parce qu'il sait que vous n'auriez pas la force de les supporter, et que l'honneur de tout ce que vous ferez de bon lui est dû. Ce vous sera une assez grande grâce et que je le prie de vous accorder, de lui donner entièrement votre cœur, de répondre fidèlement à ses inspirations, et de ne point corrompre par tiédeur, ou par orgueil, ou par négligence, ou par des ferveurs indiscrètes l'aussi pure de la grâce dont il arrose votre âme, mais que vous demeuriez en repos par votre confiance, non pas en vous-même, mais en lui qui sait, qui veut et qui peut vous donner tout ce qui vous est nécessaire, pourvu que vous ne vous éloigniez pas volontairement de lui. N'attendez point aussi de vos propres forces de pouvoir accomplir les choses que j'ai dit que vous étiez obligé de faire. Implorez pour cela son assistance. Et vous éprouverez qu'il a pour vous tous les sentiments d'un fidèle époux et d'un véritable père. L'état de la virginité dans lequel vous vivez ne se doit pas embrasser légèrement, soit par une dévotion peu solide, ou par le déplaisir de ne rencontrer pas un parti tel qu'on le désirerait. Comme c'est une résolution très importante, il n'y faut agir qu'avec conseil, qu'après s'y être fort préparé, et avoir recommandé cette affaire à Dieu durant des années entières, afin de ne pas observer négligemment ce que l'on aurait entrepris inconsidérément. Mais lorsque l'on y est engagé, il faut y demeurer avec grande joie, parce que cet état est un état de pureté et de fécondité tout ensemble, comme la très Sainte Vierge l'a fait voir. Car étant par sa parfaite pureté la Vierge par excellence et la Reine des Vierges, elle n'a pas laissé d'être mère. Les véritables Vierges doivent à son imitation joindre à une entière pureté de corps une pureté d'âme qui les rende fécondes en bonnes œuvres. Leur céleste époux ne ressemble pas à ceux de la terre. Ils ne conservent pas seulement leur virginité, il en rehausse encore le prix par les grâces dont il l'accompagne, tant il aime la virginité, ce qui a fait dire à Saint Agne et s'en parlant de lui, « Il est le protecteur de ma foi, je n'ai recours qu'à lui, je n'ai qu'à l'aimer pour être chaste, plus je m'approcherai de lui, plus je serai pur, plus je demeurerai vierge, et ses noces toutes célestes ne sont pas stériles. Elles produisent continuellement par une heureuse fécondité sans douleur des enfants qui peuplent la cité de Dieu. C'est ainsi que cette sainte parlait au milieu des tourments que son amour pour son divin époux lui faisait trouver agréable, parce que rien n'aurait tant pu l'affliger que de ne pas participer à ses souffrances. Oh, de combien de maux, de travaux et de soucis qui se rencontrent dans le mariage sont exemples celles qui consacrent à Dieu leur virginité. Ce dernier état ne produit, comme dit saint Paul, que la charité, la joie, la paix, la patience, l'humanité, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance, Galates 5, 22. Et l'épouse ajoute dans le cantique, et enfin tout ce qui est désirable, cantique 5. Que direz-vous après cela, ma chère fille, de la faveur que Jésus-Christ fait à une âme de la prendre non seulement pour sa servante et pour son esclave, mais pour son épouse, et d'un échange aussi avantageux qu'est celui d'un enfantement sans douleur, et d'enfants qui ne donnent que de la satisfaction et du plaisir contre des enfants qui ne donnent que 1000 soins et 1000 peines? Saint Jérôme n'avait-il donc pas raison de dire à une mère, « Je ne comprends pas comment vous pouvez être fâché de ce que votre fille refuse d'être la femme d'un gentilhomme pour épouser un roi et vous rendre belle-mère de Jésus-Christ. » Ce qui vous reste donc à faire, ma fille, est de vous réjouir de l'état dans lequel il a plu à Dieu par sa bonté de vous mettre, de le servir comme vous le devez, et d'espérer que, nonobstant votre faiblesse, il achèvera en vous ce qu'il y a commencé. Ainsi la grâce qu'il vous a faite ne vous donnera point de vanité, et l'appréhension de ne pouvoir satisfaire à d'aussi grandes obligations que celles que vous lui avez ne vous étonnera point. Mais vous marcherez entre la crainte et l'espérance jusqu'à ce que le parfait amour dont vous jouirez dans le ciel vous délivrera de cette crainte, et que l'espérance cessera lorsque vous jouirez du bonheur que vous avez espéré sans pouvoir jamais le perdre. Chapitre 106. Des 4 conditions qui peuvent rendre une chose belle, et qu'elles manquent toutes à une âme qui est dans le péché. Je me suis beaucoup éloigné, ma chère fille, de la raison que je voulais vous rendre d'où vient cette beauté d'une âme qui fait concevoir à Jésus, Christ de l'amour pour elle, mais cela est arrivé parce que j'ai voulu montrer que l'on ne doit pas attribuer la cause de cet amour à une beauté corporelle, et je reviens maintenant à mon sujet. Sachez donc qu'une chose, pour être entièrement belle, a besoin comme un tableau que 4 conditions s'y rencontrent. La première, qu'il ne manque d'aucune de ses parties, comme l'on ne pourrait dire qu'un corps fût beau s'il manquait d'un œil, ou d'un pied, ou d'une main. La seconde, qu'il y ait de la proportion entre toutes ses parties, et qu'il représente exactement son original. La troisième, un juste mélange des couleurs, et la quatrième, qu'il soit d'une grandeur raisonnable. Que si nous considérons bien une âme qui est dans le péché, nous trouverons qu'elle n'a une seule de toutes ces conditions, car pour ce qui est de la première, elle manque des qualités qu'elle devrait avoir, puisqu'elle n'a ni la foi, ni la charité, ni les autres dons du Saint-Esprit. Quant à la seconde, il n'y a point de proportion entre ses parties, puisque ses sens n'obéissent pas à sa raison, ni sa raison à Dieu, quoique cette âme ayant été créée à son image, sa beauté consiste à lui ressembler, ce qu'elle n'a garde de faire, vu que tant que Dieu est bon, pur et doux, elle est mauvaise, impure et violente. Quant à la troisième de ces conditions qui est une lumière spirituelle de grâce et de connaissance qui anime la beauté de l'âme comme les couleurs font paraître un corps vivant, elle n'a garde de l'avoir, Puisque le péché la rend ténébreuse et plus noire qu'un charbon, selon l'expression de Jérémie, et pour le regard de la quatrième de ses conditions, qui est une grandeur raisonnable, comment l'aurait-elle puisque le péché n'étant qu'un néant, il ne la rend pas seulement petite, mais moindre que rien, et ainsi toutes ces quatre conditions lui manquant, non seulement elle ne saurait être belle, mais elle est très laide et très difforme. Chapitre 107. Que la difformité du péché est si grande, que n'ayant pu être réparée ni dans la loi de nature, ni dans la loi écrite, il n'y a que Jésus-Christ qui ait pu y remédier dans la loi de grâce. Il est si difficile ou, pour mieux dire, tellement impossible de remédier à cette difformité du péché, que toutes les forces des créatures jointes ensemble ne sauraient rendre la beauté à une âme à qui il l'a fait perdre. Selon ces paroles que Dieu a dites, quand vous vous laveriez le visage avec du nitre et du savon, vous n'en pourriez effacer les taches. Jérémie 2. C'est-à-dire que ni les menaces des prophètes et la rigueur des châtiments de l'ancienne loi, ni la douceur des promesses que Dieu faisait alors n'étaient pas capables d'effacer les taches du péché, parce, comme dit saint Paul, que nul ne pouvait être justifié devant Dieu par les œuvres de l'ancienne loi, Galates 111, et qu'ainsi il ne pouvait concevoir de l'amour pour la beauté d'aucune âme, puisqu'il n'y a que la justification qui la rende belle, que si les sacrifices ordonnés de Dieu dans l'ancienne loi n'avaient pas le pouvoir d'embellir les âmes en les justifiant, il est évident qu'elles pouvaient encore moins l'être dans la loi de nature, parce qu'elles n'avaient pas les remèdes contre le péché que depuis la loi écrite. Et nuls n'ont été justifiés dans l'une et dans l'autre de ces deux lois que par l'effusion du sang de Jésus-Christ, cet agneau sans tache, que saint Jean dit avoir été répandu dès le commencement du monde, Apocalypse 13, parce qu'encore qu'il ne soit mort sur la croix que dans la suite des siècles, les apôtres donnent à sa naissance le nom de commencement du monde, 1. Corinthiens 19, à cause qu'elle commença dès lors, par un effet rétroactif, d'opérer le pardon et la grâce en faveur de ceux qui l'ont reçu avant son incarnation. C'est ainsi que Dieu, par son adorable conduite, a voulu que, comme Adam a, par son péché, causé la mort à toute sa postérité, Jésus-Christ a, par la sienne, rendu la vie à tous ceux qui veulent être délivrés du malheur ou le péché de cet auteur de la race des hommes et les leurs propres les ont plongés. Selon ces paroles de saint Paul, comme c'est par le péché d'un seul que tous les hommes sont tombés dans la condamnation, ainsi c'est par la justice d'un seul que tous les hommes reçoivent la justification et la vie. Car, comme plusieurs sont devenus pécheurs par la désobéissance d'un seul, ainsi plusieurs seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Romains 5, 8. On voit par là que l'obéissance que Jésus-Christ a rendue à son Père jusqu'à la mort, et la mort de la croix, nous rend justes, non seulement par imitation, mais en nous donnant une véritable justice. De même que le péché d'Adam ne nous avait pas seulement donné l'exemple de péché, mais nous avait rendu véritablement pécheurs. C'est pourquoi ces paroles de saint Pierre, « Nul autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés », Actes 4, 12, ne se doivent pas seulement entendre depuis que Jésus-Christ est venu au monde, mais depuis le commencement du monde, nul n'étant rentré dans la grâce de Dieu que par les mérites de ce divin Rédempteur, et leur loi et leur pénitence. Ainsi, dans l'ancienne loi, La circoncision rendait les enfants justes en leur obtenant le pardon du péché originel, sans néanmoins leur donner la grâce, elle était réservée au sacrement de la nouvelle loi. Et cette circoncision n'était qu'une protestation de la foi qu'ils avaient que Dieu leur enverrait le Messie, tellement que lorsque ces enfants devenant grands perdaient par quelque péché mortel cette justification qu'ils avaient acquise par la circoncision, ils étaient obligés, pour obéir à la loi, d'offrir en sacrifice des animaux dont le sang était répandu dans le temple, non pour les justifier, car ils n'avaient pas pour cela assez de vertu, mais pour protester, comme je l'ai dit, la foi qu'ils avaient que le Messie viendrait, et cette foi que Dieu leur inspirait, jointe à leur pénitence intérieure, les rendant participants au mérite du sang de Jésus-Christ qui devait être un jour répandu, leur faisait obtenir le pardon de leurs péchés. Mais ce n'était pas seulement dans la loi écrite que la foi jointe à la pénitence intérieure était un remède pour le péché, elle l'était aussi dans la loi naturelle, quoique ce ne fût pas avec une loi si précise en la venue de notre Seigneur. Il y avait aussi des protestations extérieures de cette foi telle qu'il plaisait à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, de les inspirer. Or, quoi qu'il y ait diverses nations et diverses cérémonies extérieures dans leurs diverses religions, il n'y a, comme dit saint Paul, qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ, Dieu et homme tout ensemble. Chapitre 108. Que Jésus-Christ efface par son sang la difformité du péché dans l'âme et lui communique sa beauté, qu'il a été plus convenable que ce fût lui qui s'incarna que non pas le Père ni le Saint-Esprit, et combien grande est l'efficace de son incarnation. Considérez donc combien horrible est la tâche que cause le péché, puisqu'elle n'a pu être effacée par l'effusion de tant de sang répandu par le commandement de Dieu dans son temple, ni par tous les efforts que les hommes ont pu faire. Si le Verbe de Dieu, qui est la suprême beauté, ne fût point venu dans le monde pour rendre la beauté à l'âme, elle serait toujours demeurée dans cette effroyable laideur. Mais cet agneau sans tache a pu et a voulu la faire cesser en lui communiquant sa beauté, et pour vous faire voir que ce devait plutôt être lui que le Père ou le Saint. Esprit qui répandit son sang pour nous faire cette grâce, considérez que, comme l'on attribue l'éternité au Père et l'amour au Saint-Esprit, on attribue au Fils la beauté, parce qu'il est très parfait, sans aucun défaut et, comme dit saint Paul, l'image de son Père, qui l'engendre par la voix de l'entendement, si semblable à lui, et lui communique si pleinement son essence, que saint Jean dit que qui le voit voit son Père, Jean, 14, 9. Ainsi il y a une telle égalité et une telle proportion entre eux, que c'est avec raison qu'on lui attribue la beauté, parce que ce divin Fils représente si admirablement son Père. On donne aussi avec sujet à ce Verbe éternel le nom de lumière, parce qu'il est engendré, comme je l'ai dit, par la voix de l'entendement et en l'entendement, selon ce que dit saint Jean, qu'il est la lumière véritable, Jean 1. Rien ne se peut ajouter aussi à sa grandeur, puisque son immensité est infinie, et qu'il fallait, pour recouvrer la beauté dans laquelle nous avions été créés et que nous avions perdu, que ce Rédempteur qui est parfaitement beau, en se revêtant de notre chair pour prendre la ressemblance de notre laideur, fit rejaillir l'éclat de sa beauté sur nos âmes, et que ni les châtiments ni les faveurs n'ayant pu effacer nos tâches, ce qu'il a souffert pour nous et fait tomber sur lui toute l'acrimonie de ce nitre dont Jérémie a parlé, nous est blanchi avec ce savon dont ce prophète parle aussi. Ainsi, comme Dieu avait dit par lui aux pécheurs, quoique vous vous laviez avec du nitre et du savon, vous ne serez pas purs devant mes yeux, il ne s'ensuit pas de là qu'il n'ait point voulu employer un autre remède pour effacer nos taches, puisqu'il dit ailleurs, quand vos péchés seraient de la couleur de l'écarlate, je les rendrai blancs comme de la neige, et quand ils seraient rouges comme le sang dont on se sert pour teindre en cramoisi, je les rendrai blancs comme la laine la plus blanche. Jérémie 2. David témoignait être bien persuadé de cette vérité lorsqu'il disait « Purifiez-moi, Seigneur, avec l'hysope, et alors je serai pur, lavez-moi, et je deviendrai plus blanc que la neige. » Psaume 50, 8. L'hysope est une petite herbe, on attachait cette herbe qui est un peu chaude et propre pour les poumons, à une baguette de cèdre qu'on liait à un bâton qu'on liait aussi avec une petite corde d'écarlate deux fois teinte. On trempait ensuite tout cela dans du sang et dans de l'eau, et quelquefois seulement dans de l'eau et de la cendre, et puis on en arrosait les lépreux et ceux qui avaient touché quelques corps morts, après quoi ils passaient pour être purifiés. David, ce saint roi, n'ignorait pas que ni l'hysope, ni le cèdre, ni le sang des animaux, ni l'eau, ni la cendre ne pouvaient pas rendre la pureté à une âme, encore qu'elles en fussent la figure. C'est pourquoi il ne demande pas à Dieu de prendre lui-même cet hysope pour nous en arroser, mais il entend parler seulement de l'humanité de Jésus-Christ qu'il compare à cette herbe. Parce qu'elle a comme tiré sa naissance de la terre en la tirant de la très sainte Vierge sans que nul homme y ait eu part, de même que la terre sans être cultivée produit des fleurs, ce qui a fait dire à Jésus-Christ, « Je suis la fleur du champ » Cantique 2. Et ce que cette herbe est si petite marque la bassesse dans laquelle Jésus-Christ a vécu en ce monde, qu'il a porté jusqu'à dire, « Je suis un ver de terre et non pas un homme, je suis l'opprobre des hommes et le mépris des peuples. » Psaume 21, 6. Cette prodigieuse humilité le remet contre l'orgueil, et il faudrait avoir perdu le sens pour n'en guérir pas, puisqu'il est sans apparence qu'un ver de terre ose s'élever en voyant le roi des rois s'être abaissé de la sorte. Il ne faut pas aussi oublier à remarquer que, comme l'hysope est chaude par sa nature, le feu de l'amour dont Jésus Christ brûle pour nous l'a fait s'abaisser pour nous faire connaître que si le Très-Haut s'est abaissé, l'homme ne doit pas s'élever, et que si un Dieu s'est humilié, il est bien juste que l'homme s'humilie aussi. Quant à sa chair qui devrait nous purifier, ne peut-on pas dire qu'elle a été attachée à du bois de cèdre, lorsqu'elle a été attachée à la croix et liée avec une corde de laine deux fois teinte? Parce que les clous avec lesquels il y a été attaché par les mains et par les pieds n'auraient pas été capables de l'y retenir si son amour ne l'y avait retenu par son désir de donner sa vie pour nous racheter de la mort. Et comme cette corde, dont je viens de parler a été deux fois teinte, il a eu besoin aussi d'un double amour, l'un pour satisfaire à la réparation due à l'honneur de son Père à cause de nos offenses, et l'autre au besoin que nous avions qu'il souffrit pour nous, puisque sans cela nous étions perdus. Chapitre 109. Que l'humanité sainte de Jésus-Christ a été figurée par les vêtements du grand prêtre, que le voile du temple que Dieu commanda à Moïse de faire en était une figure. Et ce que c'était que David demandait à Dieu lorsqu'il lui demandait d'être arrosé avec de l'hysope. Le vêtement du grand prêtre de l'ancienne loi était d'écarlate deux fois teinte, pour montrer que la sacrée humanité de Jésus-Christ, qui a été son vêtement dans le monde, devait être teint en son sang par un double amour envers Dieu et le prochain, et sa chair attachée à la croix, a été figurée par le voile d'écarlate de couleur d'hyacinthe et de pourpre, deux fois teinte, que Dieu commanda à Moïse de faire pour le temple, et de l'enrichir de broderies de diverses couleurs, parce que cette sainte humanité a été comme teinte en cramoisi par son sang, et que le feu de son amour a du rapport avec la couleur si vive de l'écarlate, comme sa pureté et son innocence en ont avec la blancheur, et que cette broderie, qui rend un ouvrage si durable, en a aussi à la constance avec laquelle Jésus-Christ a souffert tant de travaux, ce que la couleur d'hyacinthe, qui est la couleur du ciel, représente bien, parce que cette sainte humanité est une œuvre surnaturelle opérée par le Saint-Esprit, et à qui l'on peut par conséquent donner le nom de céleste par tant de perfections et de vertus dont la sagesse infinie de Dieu l'a enrichie. Quant à ce que Dieu commanda que ce voile fût soutenu par quatre colonnes, cela représentait les quatre bras de la croix de Jésus-Christ et l'évangile prêché dans toutes les quatre parties du monde. Comme nul prophète n'a été plus éclairé que David dans la connaissance du mystère de l'incarnation de Jésus-Christ, lorsqu'ensuite de cet adultère qui lui avait fait ravir la brebis et tuer le pasteur, les menaces que lui fit le prophète Nathan de la part de Dieu lui firent connaître la grandeur de son péché, ce ne fut pas avec de l'hysope matériel ni avec des sacrifices d'animaux qu'il implora la clémence de cette suprême majesté, puisqu'il dit ailleurs que ce n'était pas cette sorte de victime qui lui était agréable, mais il le pria de le vouloir purifier par le sang de Jésus-Christ attaché à la croix par des nœuds d'amour, s'assurant que quelque horrible que fût cette hache qui avait souillé et défiguré son âme, il la rendrait plus blanche que la neige. C'est ainsi que ce divin Rédempteur, que ce saint roi dit être le plus beau de tous les hommes, en se revêtant d'un corps mortel et de la ressemblance du péché qui avait rendu nos âmes difformes, a changé leur laideur en beauté avec la même facilité qu'un très grand feu consume un peu de paille. Chapitre 110. Que Jésus-Christ, pour embellir nos âmes, a caché en sa personne les quatre conditions qu'a la beauté. Si nous considérons bien, ma chère fille, ces quatre conditions que je vous ai dit être nécessaires pour rendre une beauté parfaite, nous trouverons qu'elles se rencontrent excellemment dans Jésus, Christ en tant que Verbe. La première est qu'il ne lui manque rien. Or, autant que cette condition se trouve en Jésus-Christ en tant que Verbe, elle lui a manqué en tant qu'homme, comme il a paru par l'extrême pauvreté dans laquelle il est né, a passé sa vie et est mort, n'ayant pas seulement un lieu où il put reposer sa tête, et n'y ayant point d'autres incommodités de douleur qu'il n'ait souffertes. Ce qui a fait dire à saint Paul, « Vous savez, mes frères, quelle a été la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui, étant riche, s'est rendu pauvre pour l'amour de vous, afin que vous devinssiez riches par sa pauvreté. » 2 Corinthiens 8, 9. Ce qui montre que notre Seigneur a tellement caché cette première condition de la beauté, qu'il était aussi pauvre sur la terre qu'il était riche dans le ciel. Quant à la seconde condition de la parfaite beauté, qui est qu'il y ait de la proportion entre toutes ses parties, et, si c'est un tableau, qu'il représente exactement son original, ne voyez-vous pas que Jésus-Christ en tant que Verbe de Dieu, étant une très parfaite image de la parfaite beauté de son Père égal et proportionné à lui, il a caché cette seconde condition de la beauté comme il a caché la première, Car si nous considérons d'un côté quelle est la puissance, la gloire, la beauté et les autres perfections infinies de son Père, qui le font adorer des anges, et que nous le regardions d'un autre côté bafoué, couvert de crachats, flagellé, couronné d'épines, revêtu de pourpre par moquerie, avec un roseau à la main, au lieu de sceptre, tout couvert de son sang, et tellement défiguré, qu'il n'avait plus aucune ressemblance d'homme, quel rapport trouverons-nous entre cette image et son original? Et quand Pilate le présenta en cet état à tout le peuple, en leur disant, « Voici l'homme, pour les toucher de compassion, peut-on sans horreur voir que leur rage s'allumant encore davantage par un tel spectacle contre celui qui se sacrifiait pour leur salut, et à qui leur perte était plus sensible que ses douleurs quoiqu'elles fussent inconcevables ?» Ils redoublèrent leurs cris pour le faire condamner à la mort. Ô âme rachetée par le sang de Jésus-Christ, quelle attention ne devez-vous point faire à ces paroles ? Voici l'homme si vous ne voulez renoncer au salut que Jésus-Christ vous a acquis, en ne daignant pas considérer quelles ont été ses douleurs, et en avoir la connaissance que vous devez. Lorsqu'on veut exposer une chose à la vue de tout le monde afin de la faire admirer, on l'embellit de tous les ornements qui en peuvent rehausser l'éclat. Lorsque l'on veut par quelque autre chose donner de la crainte, on n'oublie rien de tout ce qui peut la rendre terrible, et lorsque l'on veut par quelque autre exciter de la douleur, on la représente de la manière la plus triste que l'on se peut imaginer. Ainsi, quand Pilate montra Jésus-Christ aux Juifs dans un état si pitoyable, non pour le leur faire aimer, ni pour le leur faire craindre, ni même parce qu'il crut pouvoir faire cesser une haine aussi furieuse que celle qu'ils avaient conçue contre lui, ce fut pour tâcher d'amollir la dureté de leur cœur par la vue de tant de tourments. Isaïe l'avait prédit plusieurs siècles auparavant. Par ces paroles, il n'y a ni grâce ni beauté, nous l'avons vu si défiguré, qu'il était méconnaissable, il était l'opprobre et le mépris des hommes. C'était un homme de douleur, il n'y a point de misère qu'il n'eût éprouvée, il était dans un état si déplorable, que nous avons couvert nos visages pour ne le pas voir, et nous n'en avons point fait d'état. Mais c'est lui vraiment qui s'est chargé de nos maux et de nos infirmités. Nous l'avons pris pour un pauvre lépreux, pour un homme frappé de la main de Dieu et humilié. Isaïe 53. Que si vous considérez attentivement, ma fille, chacune des paroles de ce prophète, vous trouverez que la beauté de Jésus Christ ne pouvait être plus caché qu'elle l'a été dans ce triste jour qu'il a bien voulu paraître si difforme pour rendre la beauté à nos âmes, car au lieu que l'épouse dit dans le cantique, que rien n'est si beau que ce divin époux, vous voyez qu'Isaïe dit au contraire, qu'il n'a ni grâce ni beauté, qu'au lieu que les anges arrêtent incessamment leur regard sur lui dans le ciel, et qu'ils l'adorèrent aussitôt qu'il fut né dans le monde, Hébreux 9. Isaïe dit qu'il est méprisé par les plus méprisables des hommes, qu'au lieu que David dit que c'est le plus grand de tous les ouvrages de Dieu, Psaume 88. Isaïe dit qu'il est l'opprobre des hommes, dont il ne faut point de meilleure preuve que ce qu'on préféra à lui, en lui préférant Barabbas, un homicide, un séditieux et un voleur, quoiqu'il fût venu au contraire, pour nous rendre la vie, nous donner la paix, et payer, comme dit David, ce qu'il ne devait point, qu'au lieu qu'il aurait dû être incapable de souffrir de la douleur, puisque la douleur n'est entrée dans le monde que par le péché. Isaïe le nomme l'homme de douleur parce qu'il n'y en a jamais eu d'approchant des siennes, et enfin, qu'au lieu qu'il est nommé par saint Jean la lumière du monde, à cause que son admirable doctrine et ses œuvres miraculeuses ont dissipé les ténèbres répandues sur la terre, Isaïe dit que cette lumière était si cachée, qu'il était méconnaissable, et qu'il y a sujet de croire que si sa très sainte mère ne le regardait qu'avec des yeux du corps, elle aurait eu de la peine à le reconnaître, que si ceux qui le voyaient en souffrir avaient reconnu que ce n'était pas qu'il l'eût mérité, mais pour l'amour d'eux, ce lui aurait été quelque soulagement dans ses douleurs. Mais que dit Isaïe ? Il dit qu'il le regardait comme un lépreux, comme un homme frappé de la main de Dieu pour le châtiment de ses péchés, et qui méritait ainsi d'en être puni par le supplice de la croix. Peut-on donc se rien imaginer de plus déplorable et de plus outrageux tout ensemble ? Chapitre 111. Des biens admirables que Dieu a tirés du plus grand de tous les crimes qui se pouvaient commettre dans le monde, qui était de faire mourir Jésus-Christ, et des admirables effets qu'a produit cette parole de Pilate, « Voici l'homme ». Pouvons-nous trop admirer et louer Dieu de ce qu'il lui a plu par sa sagesse infinie se servir, pour racheter le monde, d'un aussi étrange moyen qui a été celui de tirer le plus grand de tous les biens du plus horrible de tous les crimes? Car quel autre pouvait égaler celui d'outrager, de défigurer et de crucifier le Fils de Dieu? Et quel avantage pouvait être plus grand pour le monde que sa sacrée passion? Après que Jésus-Christ eût été mis en l'état qu'il a fait nommer, avec tant de raison, par Isaïe, l'homme de douleur, puisque nulles paroles ne sont capables d'exprimer quel a été l'excès des siennes, Pilate dit aux Juifs, « Voici l'homme ». Il croyait en parlant ainsi ne l'exposer qu'aux yeux de ce peuple, et ne savait pas que sans y penser il l'exposait aux yeux de tout l'univers, selon que Dieu l'avait prédit tant de siècles auparavant, par ces paroles d'un prophète, « Tout homme verra le salut de Dieu », Isaïe, 52. Car cet adorable Sauveur est notre salut, et c'est de lui que le Père éternel a dit, « Je ne me soucie pas que vous réveilliez les tribus de Jacob, de leur assoupissement pour les porter à me servir, ni que vous purifiez la lie d'Israël, mais je vous rendrai la lumière des nations, afin que vous soyez mon salut jusqu'aux extrémités de la terre », Isaïe, 49. Car, suivant cette prédiction, Jésus-Christ a annoncé l'évangile aux brebis de la maison d'Israël qui était perdue, et ses apôtres après lui l'ont prêché premièrement aux Juifs dont ils n'ont converti qu'une partie, le reste étant cette lie dont parlait le prophète, et l'ont ensuite prêché à diverses nations, et la foi a continué de telle sorte à se répandre dans tout le monde, que l'on peut dire qu'elle est connue jusque dans les pays les plus éloignés, et qu'ainsi Jésus-Christ est non seulement la lumière des Juifs qui l'a converti, mais aussi celle des gentils qui, par leur éloignement de Dieu, se trouvaient ensevelis dans l'idolâtrie. En quoi l'on a vu accomplir ces paroles que dit le saint vieillard Siméon avant que de rendre l'esprit, c'est maintenant, Seigneur, que vous laisserez mourir en paix votre serviteur selon votre parole, puisque mes yeux ont vu le Sauveur que vous nous donnez, que vous destinez pour être exposé à la vue de tous les peuples, pour être la lumière qui éclairera les nations et la gloire de votre peuple d'Israël, Luc 2, 29. Or, encore que Pilate est hors de son tribunal et sur le mont Calvaire exposé Jésus-Christ à la vue d'un si grand nombre de peuples de toutes sortes de conditions, tant de la Judée que de diverses provinces qui s'étaient rendues en Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques, on peut dire néanmoins qu'il ne fut pas alors exposé à la vue de tous les peuples, selon cette prédiction de saint Siméon, mais elle a été accomplie quand l'évangile a été prêché dans tout le monde par les apôtres et leurs successeurs, selon ces paroles de David, le bruit de leur voix a retenti par toute la terre, et leur parole s'est fait entendre jusqu'aux extrémités du monde, psaume 18, 4. Ainsi ce divin Rédempteur est la lumière des nations qui ajoute foi à sa parole, et il est non seulement la lumière, mais aussi la gloire des Juifs qui veulent croire en lui, selon ce que saint Paul a dit, l'adoption des enfants de Dieu, sa gloire, son alliance, sa loi, son culte et ses promesses appartiennent aux Israélites de qui les patriarches sont les pères. Et dès qu'elle est sortie selon la chair Jésus-Christ même, qui est Dieu élevé au-dessus de tout et béni dans tous les siècles. Romains 9, 4. Considérons maintenant de quelle sorte Dieu a fait que ces paroles de Pilate. Voici l'homme, ont eu un effet tout contraire à celui qu'il prétendait, qui était de délivrer Jésus-Christ. Les Juifs s'étant encore plus opiniâtrés à le faire crucifier, ce qui lui donna sujet de croire que l'on n'entendrait jamais plus parler de lui. Mais le Père éternel, voyant qu'il n'était pas juste qu'un tel spectacle que celui de l'état où était alors son Fils unique, qui est la parfaite image de sa beauté, ne fut connu que par des yeux si indignes de le regarder et des cœurs si endurcis. Il ne voulut pas que ces paroles, « Voici l'homme », fussent seulement proférées par ce timide juge qui, croyant Jésus-Christ innocent, n'avait pas le courage de l'absoudre parce qu'il n'était qu'un infidèle et qu'un pécheur. Il a choisi des personnes saintes pour publier si hautement et si généreusement sa gloire dans tout le monde, qu'ils n'ont point craint de s'exposer à la mort pour le faire connaître. C'est de ces généreux héros de la foi chrétienne qu'Isaïe a dit, par un esprit de prophétie, que beaux sont les pieds de ceux qui nous apportent de dessus les montagnes les bonnes nouvelles de la paix, qui nous annoncent toutes sortes de bonheur, qui nous promettent le salut et qui nous disent, « Sion, votre Dieu régnera », Isaïe 52, 7, « Car le Dieu de Sion, c'est Jésus-Christ, dont David dit, « J'ai été choisi de Dieu pour régner sur la sainte montagne de Sion et publier ses ordonnances », psaume 2, 6. Il est ce roi qui a publié les ordonnances de son Père, qui sont le Saint-Évangile, et il commença de régner en Sion le dimanche des Rameaux, lorsqu'il fut reconnu pour roi d'Israël dans le temple bâti sur la montagne de Sion. Et ça a été pour montrer que ce royaume doit être spirituel que David a dit qu'il a été établi roi sur la montagne de Sion. Où est le temple dans lequel Dieu a été honoré? Ce royaume s'accrut lorsque Dieu fit descendre sur cette sainte montagne le Saint-Esprit sur les apôtres, et que sa grandeur fut connue dans tout Jérusalem sans que les prêtres et les pharisiens pussent l'empêcher. Ce même royaume continua de s'accroître, lorsqu'une seule prédication de saint Pierre convertit 3000 personnes. Une autre 5000, et que celle des autres apôtres en convertit aussi un si grand nombre, cela a toujours été de même en augmentant, et continuera jusqu'à la fin du monde, que Dieu régnera sur les bons par sa miséricorde et sur les méchants par sa justice, en récompensant les uns et en punissant les autres. Voilà ce qu'opère la voix des prédicateurs de Jésus-Christ et ce que signifient ces paroles, « Votre Dieu régnera, mais, parce que Jésus-Christ n'a garde de régner dans le cœur des méchants, puisque c'est le péché qui y règne, il ne leur appartient pas de prêcher le royaume de ce roi de gloire qu'ils ne veulent pas qu'il règne en eux, c'est ce qui a fait dire à Isaïe, que les pieds de ceux qui annoncent la paix sont beaux, ces pieds signifiant nos désirs, qui doivent être beaux, c'est-à-dire purs, et Jésus-Christ veut que les pieds, c'est-à-dire les désirs de ses prédicateurs soient découverts, afin que leur beauté soit connue de tout le monde. Mais ne croyez pas, ma fille, que ces prédicateurs puissent rendre eux-mêmes leurs pieds si nets et si purs, il n'y a que la grâce de celui qui lava avec une eau matérielle les pieds de ses apôtres, qui le puisse faire en lavant nos âmes par son sang. Il ne fallait donc pas que la grandeur d'un roi tel que Jésus-Christ, qui est l'innocence et la pureté même, fût publiée par une bouche impure telle qu'était celle de Pilate, ni qu'un spectacle plein de tant de merveilles que celle que l'on pouvait remarquer en ce Rédempteur du monde, lorsqu'il fut exposé à la vue de ce peuple, fut rendu célèbre par ceux qui étaient si indignes de le voir. Ainsi, quoique Pilate crût que la mémoire de Jésus-Christ serait bientôt entièrement éteinte, et quoique personne n'eût alors compassion de ses douleurs, Dieu a permis qu'au lieu des outrages qu'on lui fit, il y a tant de nations qui ne le révèrent pas seulement, mais qui l'adorent, qu'au lieu qu'on lui crachait au visage, on ne peut se lasser de regarder son bienheureux visage, tout défiguré qu'il est en la croix, qu'au lieu qu'on croyait qu'il souffrait justement, on confesse qu'il n'a souffert que pour nos péchés, et qu'au lieu que ces méchants, bien loin d'avoir compassion de lui, demandèrent sa mort avec tant d'ardeur, il y en a maintenant plusieurs qui s'estimeraient heureux de mourir pour lui, et lui diraient de tout leur cœur, nous nous estimerions heureux de souffrir pour vous les douleurs que vous avez souffertes pour nous. Tellement, qu'encore que l'état où Pilate avait mis Jésus-Christ n'ait pu émouvoir les Juifs de compassion, il n'a pas été inutile, puisque tant de personnes en ont depuis été si touchées, qu'ils ont été, dans leur cœur, comme saint Paul, crucifiés avec lui. Chapitre 102. Que pour recouvrer la beauté de nos âmes nous devons regarder Jésus-Christ défiguré par tant de douleurs lorsque Pilate dit « Voici l'homme », en la manière que l'on regardait depuis un si grand nombre de ceux à qui les apôtres ont prêché l'Évangile, et que c'est par sa grâce, et non pas par nos mérites, que nous pouvons recouvrer cette beauté. Des raisons si fortes et des exemples si puissants doivent vous porter, ma chère fille, à renoncer à toute tiédeur pour graver si fortement dans votre cœur l'amour de ce divin Sauveur qui a souffert pour vous en la croix de si cruelles douleurs, que vous ne soyez pas du nombre de ceux qui ont été sourds à la voix de son Évangile, mais de ceux qui ont été sauvés parce qu'ils l'ont écouté et en ont été persuadés, selon ces paroles d'Isaïe, nous désirons de voir le visage et d'entendre la voix du Christ comme plusieurs rois et plusieurs prophètes l'ont désiré, Isaïe 52. Considérez ce Dieu et homme si indignement traité pour l'amour de vous. Écoutez les paroles de ce divin maître que son Père vous a donné pour vous instruire, remarquez ses actions afin de les imiter, regardez attentivement ce qu'il souffre afin d'en avoir compassion, regardez-le pour pleurer vos péchés, qui l'ont réduit en cet état, regardez-le pour l'aimer, puisque c'est pour l'amour de vous qu'il souffre, et enfin regardez. Le pour recouvrer la beauté de votre âme parce qu'a mérité la patience qui lui a fait souffrir tant d'outrages et tant de tourments, qui l'ont tout défiguré, selon ce qu'a dit Isaïe en parlant de lui. J'ai présenté mes joues à ceux qui les ont voulu meurtrir de coups, et tout mon corps à ceux qui l'ont voulu couvrir de plaies, Isaïe 50. Quels moyens ces souffrances ne vous fourniront-elles point pour embellir votre âme si vous voulez vous en servir comme du seul remède qui peut vous garantir de la mort, que l'on ne saurait éviter si l'on ne regarde cet homme Dieu, car, de même que Moïse éleva dans le désert un serpent d'airain qui guérissait ceux qui avaient été mordus par des serpents lorsqu'ils le regardaient, et qui, à moins que de le regarder, ne pouvait éviter la mort, ainsi, si l'on ne regarde avec foi et avec amour Jésus-Christ élevé sur la croix, on ne saurait se garantir d'une mort éternelle. C'est pourquoi, comme j'ai dit que nous devons prier Dieu de nous regarder en la face de son Christ, ce Père éternel nous commande de regarder ce même Christ, si nous voulons que lui-même nous regarde pour nous pardonner à cause de lui. C'est dans cette divine face de notre médiateur que se joignent les regards de son Père et les nôtres. Et c'est là que se termine, comme autant de rayons, notre foi, notre amour et l'espérance d'obtenir, outre le pardon de nos péchés, d'autres grâces de Dieu. Jésus est nommé le Christ du Père, parce que son Père l'a engendré et lui a donné toutes ses perfections, et il est nommé notre Christ, parce qu'il s'est offert pour nous à la mort et nous a donné tous ses mérites. Regardez donc, ma fille, la face de votre Christ par votre foi en lui, par votre confiance en lui, par votre amour pour lui et par votre charité pour tout le monde à cause de lui. Regardez la face de votre Christ en pensant à lui et en comparant votre vie à la sienne, afin qu'y voyant, comme dans un miroir, toutes vos imperfections et tous vos péchés, et connaissant par là combien vous vous êtes éloigné de l'imité et avez rendu votre âme difforme, vous recueillez quelqu'une des larmes qui coulent de ses yeux et quelques gouttes du sang qui sort de ses plaies, pour laver, avec un cœur percé de douleur, les taches qui la défigurent. Car, de même que les Juifs, voyant Jésus, Christ dans un état qui leur donnait de l'horreur, détournaient leur vue de lui, ils détournent sa vue d'une âme que le péché rend hideuse et comme toute couverte de lèpre. Mais, après qu'il l'a embellie par la grâce que ses souffrances lui ont acquise, il arrête avec plaisir ses yeux sur elle, et lui dit ces paroles, que nous lisons dans le cantique, « Que vous êtes belle, ma chère épouse, que vous êtes belle. Vos yeux n'ont pas moins d'éclat et de douceur que ceux d'une tourterelle, et quelle n'est point la beauté intérieure de votre âme. » Cantique 4. Vous voyez qu'il répète ces mots, « Que vous êtes belle. » Parce qu'il faut que cette chaste épouse, pour être aimée de lui, soit belle dans le corps et dans l'âme, par ses bons désirs, et dans le corps, par ses bonnes œuvres. Mais, à cause que l'intérieur doit exceller par-dessus l'extérieur, c'est ce qui lui a fait ajouter ces mots, et qu'elle n'est point la beauté intérieure de votre âme. Or, parce que cette beauté intérieure de l'âme consiste, comme dit saint Augustin, à aimer Dieu, il avait dit auparavant, « Vos yeux n'ont pas moins d'éclat et de douceur que ceux d'une tourterelle. » Ce qui montre quelle doit être l'affection chaste, sincère et pleine d'amour d'une âme qui ne pense qu'à se rendre agréable à Dieu sans aucun mélange d'amour propre. Regardez donc Jésus-Christ, ma chère fille, afin qu'il vous regarde, et comme vous savez qu'il n'a rien fait qui ait pu mériter qu'on l'ait défiguré de la sorte par tant de tourments, croyez aussi que vous n'avez rien fait qui vous ait fait mériter la beauté dont il vous a favorisé par si grâce. Croyez que comme cette difformité dans laquelle on l'a vu ne lui était point due, cette beauté dont il part votre âme ne vous était point due aussi. C'est ce qui lui a fait dire par la bouche d'Ézéchiel, en parlant à l'âme de ceux qui s'imaginent tenir d'eux-mêmes cette beauté, vous étiez belle parce que je vous avais rendu belle, mais, en vous confiant en votre beauté, vous avez commis une fornication dans vous-même. Et cette fornication s'est étendue à tout, Ézéchiel, 21. Ce qui a fait parler Dieu de la sorte, c'est que lorsqu'une âme s'attribue la beauté, qu'elle ne tient que de sa grâce connue si elle lui était due par justice, c'est commettre une fornication en elle-même, en ne voulant pas reconnaître qu'elle est obligée de cette faveur à Jésus-Christ, son véritable époux, et il ne faut pas s'étonner si, se glorifiant ainsi de ce qui ne lui appartient pas, Dieu la prive de la beauté qu'il lui avait donnée. Or, comme cette vaine complaisance en soi-même et cet orgueil produisent toutes sortes de maux, c'est ce qui faisait dire à Dieu, et cette fornication s'est étendue à tout, parce que celui qui est superbe, ne s'appuyant que sur lui-même, est comme un roseau agité des vents, et ainsi sujet à tomber dans toutes sortes de péchés par une juste punition de ne s'être pas humilié pour demeurer inébranlable en ne s'appuyant que sur Dieu. Considérez donc cet homme Dieu tant en lui, même qu'en vous, en lui, pour connaître qui vous êtes, en vous, pour connaître quel il est. Ainsi vous verrez que tous les outrages et les tourments qu'il a soufferts vous appartiennent, parce que vous les avez mérités, et que tout ce qu'il y a de bon en vous lui appartient, parce que vous l'avez reçu de lui sans l'avoir mérité. Chapitre 113. Il continue à montrer de quelle manière nous devons regarder Jésus-Christ, qu'il n'y a rien en lui que de beau, et que ce que les tourments qu'il a soufferts y ont fait paraître de difforme aux yeux de la chair est une grande beauté. Pour profiter, ma chère fille, de ce que je vous ai dit, considérez très attentivement Jésus-Christ avec les yeux de l'âme, ils vous le feront beaucoup mieux connaître que ceux du corps, et autant qu'il paraît défiguré à ces derniers, ceux de la foi vous le feront trouver beau. Car au lieu qu'Isaïe dit, que son visage était comme caché, il n'y a rien qui le puisse cacher aux yeux de la foi. Ses regards aussi perçants que ceux des lynx, pénètrent ce voile de son humanité qui couvrit sa divinité. Il voit quelle est sa force cachée sous une faiblesse humaine, et son incomparable beauté sous une difformité apparente, tellement que lorsqu'Isaïe a dit, il n'y avait en lui ni grâce, ni beauté, il entendait parler de ceux qui ne le regardent qu'avec les yeux du corps. Mais si vous le considérez avec ceux de la foi, et passez plus avant que ses apparences extérieures, vous trouverez qu'encore qu'il est la ressemblance d'un pécheur, il n'est pas seulement juste, mais il justifie les pécheurs. Qu'encore qu'on le fasse mourir comme un criminel, il est cet agneau sans tache qui est l'innocence même, et qu'encore qu'il paraisse si difforme, il n'est pas seulement beau, mais capable d'embellir les autres. Ajoutez à cela que plus un époux a souffert pour son épouse, et revient tout couvert de sueur et de sang des combats où il s'est exposé pour l'amour d'elle, plus elle doit redoubler son estime, son respect et son amour pour lui. Ainsi plus vous considérerez la cause des tourments qui ont défiguré la beauté de Jésus-Christ, plus vous le trouverez beau, car étant infiniment riche, qu'il a fait embrasser une si extrême pauvreté, sinon pour nous enrichir de ses grâces, étant parfaitement beau, comme étant l'image de son Père, qu'il a fait paraître lui être en cela si dissemblable, sinon pour obéir au dessein qu'avait son Père de nous rendre, par cette difformité apparente, la beauté que nous avions perdue, étant la lumière du monde, qu'il a porté à vouloir bien que la lumière de ses yeux fût éteinte et tout son corps enseveli dans les ténèbres de la mort. Sinon pour dissiper les ténèbres de nos péchés et nous faire voir la clarté d'un jour éternel par la lumière de sa grâce. Et enfin sa grandeur étant infinie, qui l'a fait s'abaisser jusqu'à vouloir être homme et le plus mal méprisé de tous les hommes, sinon pour se rendre semblable à nous, comme le prophète Élisée en fut une figure, lorsque, pour ressusciter l'enfant de cette mère affligée, il se raccourcit en s'étendant sur le corps mort de son fils, 4, Rois, 4. Puisque, comme dit saint Augustin, en aimant Dieu nous devenons beaux, il est évident que plus nous l'aimons, et plus notre beauté est grande. Or, en quoi Jésus-Christ pouvait-il davantage témoigner la grandeur de son amour pour son Père, qu'en souffrant ce qu'il a souffert pour lui rendre l'honneur qui lui est dû, selon ses paroles sorties de sa bouche, « Levons-nous et nous en allons, afin que le monde connaisse que j'aime mon Père, Jean, 14, 31. » Et où allait-il, lorsqu'il parlait de la sorte, sinon à la croix? Ainsi puisque plus une action est bonne et plus elle est belle, parce que sa bonté augmente sa beauté, comme sa malice augmente sa laideur, il est certain que plus Jésus-Christ a souffert, a été méprisé et défiguré, et plus sa beauté a été grande au jugement de ceux qui savent qu'il ne l'avait point mérité, et que ce n'a été que pour la gloire de son Père et pour nous procurer notre salut qu'il s'est exposé à tant de souffrances. C'est là, ma fille, la manière dont vous devez toujours regarder cet homme Dieu pour vous rendre capable de comprendre quelle est sa parfaite beauté. Et Pilate connaît maintenant dans l'enfer que Dieu donne des yeux aux chrétiens qui leur font voir ce Rédempteur du monde aussi beau qu'il l'avait rendu difforme. Écoutez de quelle sorte saint Augustin parle sur ce sujet. « Aimons, dit-il, Jésus, Christ sans aimer ce qui le rend difforme, quoiqu'il n'ait pas laissé de nous aimer lorsque nous étions véritablement difformes, mais comment y aurait-il réellement quelque chose de difforme en lui, puisque si nous considérons que ce n'a été que par un effet de sa miséricorde qu'il s'est revêtu de cette chair mortelle qu'Isaïe a dit n'avoir ni grâce ni beauté, nous trouverons qu'elle en a, et qu'ainsi ce prophète, en parlant de la sorte, n'a parlé qu'en la personne des Juifs. Et pourquoi ne voyait-il point en lui de beauté? C'est parce qu'il ne le regardait qu'avec des yeux corporels. Car ceux qui regardent avec les yeux de la foi ce Verbe fait homme le trouvent si beau, que saint Paul a dit, en parlant de lui, sur ce sujet, « Je ne me glorifie qu'en la croix de Jésus-Christ, mon Sauveur, Galates, 6. » Vous étiez donc bien éloigné, ô grand apôtre, d'avoir honte des opprobres dont on a couvert Jésus, Christ, puisque vous osez même vous en glorifier. Mais pourquoi est-ce donc qu'Isaïe a dit qu'il n'avait ni grâce, ni beauté? C'est parce qu'étant à la croix, il était un scandale aux Juifs et une folie aux gentils, 1 Corinthiens, 1, 23. Et pourquoi est-ce qu'au contraire, nous lisons que Jésus-Christ en cet état avait de la beauté, 1 Corinthiens, 1, 24? C'est parce que ce qui paraît en Dieu une folie est plus sage que la sagesse de tous les hommes, et que ce qui paraît en Dieu une faiblesse est plus fort que la force de tous les hommes. Cela étant, comment est ce que Jésus-Christ ne nous semblerait pas beau? Il est beau puisqu'il est Dieu, il est beau puisqu'il est la parole éternelle de son Père, il est beau dans les flancs de sa mère, puisqu'en se revêtant de notre humanité il n'a pas perdu sa divinité, il est beau dans sa naissance, puisque les anges chantent ses louanges, il est beau entre les bras de la Sainte Vierge et dans une étable, lorsqu'il ne parle point encore, puisque les rois viennent lui adorer, il est beau par l'éclat de ses miracles, il est beau au milieu même de ses tourments, Il est beau dans le mépris qu'il fait de la mort pour nous donner la vie. Il est beau lorsqu'il rend l'esprit. Il est beau dans le sépulcre. Il est beau dans sa résurrection. Il est beau dans le ciel où il règne en sa gloire. Et enfin, il est beau partout, et non seulement beau, mais la parfaite et souveraine beauté, parce qu'il est la parfaite et souveraine justice. Voilà, ma fille, de quelle sorte parle saint Augustin, et si vous regardez comme lui Jésus-Christ avec les yeux de la foi, et comme les apôtres le regardèrent sur le Tabor, au lieu de vous sembler difforme, ainsi qu'à ces hommes charnels qui le méprisèrent dans sa passion, il vous paraîtra plus resplendissant de lumière que le soleil, et ses vêtements plus blancs que la neige, Luc 9. Or, nous sommes ses vêtements, parce qu'il considère notre foi en lui, notre amour pour lui, et le plaisir que nous prenons à publier ses louanges comme des ornements que nous tâchons d'ajouter à sa gloire. Et il embellit tellement nos âmes par la grâce et la justice dont il les part, qu'elles sont plus brillantes de lumière que le soleil, et plus blanches que la neige, lorsque par la rédemption qu'il leur a acquise, elles reconnaissent leur difformité, et que pour être purifiées de toutes leurs tâches, elles ont recours à cette piscine du sang qu'il a répandu pour notre salut. C'est de cette sainte piscine qu'elles sortent si blanches, si justes et si riches des grâces et des dons qu'elles reçoivent de leur divin époux, qu'elles sont capables de donner de l'amour à Dieu, et qu'ainsi nous pouvons chanter avec autant de vérité que de joie ces paroles du cantique. Et le roi concevra de l'amour pour votre beauté. Marc Emdan, archive.org. D'après les œuvres très complètes de Sainte Thérèse, tome 4, 1845, à Bémignes, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.